je cherche dans ma tête. Où vont les morceaux de mon casse-tête? Moi je cherche avec mes 10 doigts la petite place de celui-là. C'est difficile, faut chercher, chercher et encore chercher. Mais je sais qu'une bonne fois, moi je vais trouver.